Au nom Papa, ak Petit La, ak l'Esprit Saint-Yan. Amen. Bon Dieu, grand maître là avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Jésus, nous venons faire route là avec vous. Nous venons marcher avec vous dans le chemin ça qui débouchait sur la vie. Tout monde qui malade, tout monde qui a souffri, tout monde qui découragé, tout monde qui a crié, campé pour marcher avec vous. Nous voulons partager souffrance ou yo grand maître. Nous croyons si nous souffrir avec vous, nous avons besoin de récompense. Nous avons assurance que chemin la croix, c'est chemin libération. C'est chemin délivrance, c'est chemin guérison et réconciliation. T'en prie, fais grâce à chemin la croix, bénédiction descende sous nous, sous famille nous, et monde qui comptait sous la prière nous. Grand maître, nous adorer ou en abdi ou merci. Merci. Sous la croix pour sauver nous. Première station, yo condamné Jésus pour mourir. Tout le monde relève, cloure li sous croix. La souffrance en vie. Tout le monde relève, la guerre barabas. La souffrance guérie. Jésus frémit, mais l'y acceptait. Pilate mandé yo. Bon, qui ça pour me faire avec Jésus yore le Christ là? Yo répond, cloué le sou yon quoi? Pilate dit yo, qui mauvais acte li fait comme ça? Yore le pi fort toujours, cloué sous yon croix. Les Pilate ouais, il pas qu'a fait en rien encore parce que peuple là t'es sorti pour faire plus désordre toujours. Il prend de l'eau, il lave main devant toute foule mounio. Il dit yo, moi-même moi pas responsable l'en mon nom ça. Ça c'est sous compte nous lié. Tout peuple là répond, c'est pour responsabilité l'en mol tomber sous nous ak sous petite nous yo. Après ça, Pilate lagé Barabbas bayo, li fait yo bat Jésus bien bat. Li remet yo li pour yo al clouel sou yon croix. Matthieu chapitre 27 verset 22 à 26. Yo condamné ou Jésus. Mais qui ça ou fait qui méritait condamnation ça? Grand-mère aussi bon, pour qui ça c'est vous-même? En pile fois, grand-mère, nous juger, nous condamner frère axe nous yo sans raison, nous critiquer, nous détruire en pile moun ak parole qui sorti dans bouche nous. Fait nous toujours songer, parole ou t'es toujours dit nous yo grand-mère, pas juger moun pour yo pas juger nous. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non, c'est pour yo reconnaître c'est où qui roi, c'est pour volonté ou faite sous terre tant qu'au dans ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a, pardonner ça nous fait, tant qu'au nous pardonner moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous grand en piège, mais délivrez-nous de ça qui mal. Marie, c'est pour content. Ou même qui plein faveur, grand-mère là avec vous. Li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus, petite ou feya. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous jodia, à que nous prêts pour nous mourir. Amen. Vive papa, ak petite là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout un guetant. Amen. En nous la prière. Jésus, t'en prie. Aidez-nous effacer toute rancune qui n'en que nous. Ben nous force pour nous pardonner tout le monde qui jugeait nous mal. Nous la prière comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps. Et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand-mère. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Oh, Grand maître, nous adorons ou en abdire, ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Deuxième station, yo chargé quoi sous dos Jésus? À quoi sous dos la pesée montée? La souffrance en pire. Mais ça qui loue, c'est péché nous y Jésus payé pour nous joindre pardon. À la souffrance utile. C'est comme ça, yo prend Jésus, yo mêlin l'aller. Jésus sorti de yo la villa, li tap pote kwa li, jou kyon kote yo rele zo bwa tête. En langue hébreu, yo rele l Golgotha. Jean, chapitre 19, verset 17. C'est toute misère nous, c'est toute la peine nous, c'est toute souffrance nous, c'est toute trahi nous, c'est toute rel nous ou chargé sous épaules nous. Jésus, ou tellement remet nous, ou pas hésiter prend quoi péché nous yo sous dos. C'est vous-même qui dit nous. Venez joindre moi, nous tout cap redi en bachaï. M'a fait nous reposer. Papa nous, qui dans ciel là, c'est pour yo respecter nous. C'est pour yo reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'ou dans ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a, pardonner ça nous fait. Tant qu'on nous pardonne, mon qui fait nous qui choye, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrez-nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand-mère là avec vous. Libéni ou passé toute fille, et libéni Jésus, petite ou feya. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia. Amen. Vive papa, ak petit là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodi a, ni tous les jours, et pour tout agetan. Amen. En nous la prière. Jésus, ou traînez toute méchanceté nous fait sous dos. Nous mettons à genoux dans pied, ou grand maître. Nous mandez ou pardon. T'en prie, souple. Changez que nous. Nous la prions comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagnez pitié pour nous, grand-mère. Gagnez pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Yeah. Remet nou adore ou et n'ap di ou merci. Parce que ou te accepte mouri sou la croix pour sauver nous. Troisième station, Jésus tombé yon première fois. Sauve nous en tombé plat à terre. Nom li chagrin jou pou ta mouri. A la soufrans gebri. Ote l'homme faible, c'est la bon Dieu fort. A la soufrans utile. Après yo fin pasil en bas kont bétis yo, yo wete gorad la. Yo mette rad pal sou li anko. Et puis yo menen ale pou yo klouel sou kwa. Matthieu chapitre 27 verset 31. Jésus, nou konnen se yon nom ki gen fòs an pil. Nou krasé fòs ou avèk peche nou. Nou maspinè ou jusqu'à ce que vous tombez sur route calvaire. En pile fois, grand maître, nous tombez sur route la via. Nous pas même senti force nous pour nous lever, tellement nous décourager en bas souffrance et maladie. Grand maître, t'en prie, ben nous force, pour même gens avec vous nous lever, pour nous continuer à combat la vie. Papa nous, qui dans le ciel là, c'est pour yo respecter non, c'est pour yo reconnaître c'est où qui roi, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus, petite ou fea. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à clair nous prête pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jeudi, ni tous les jours, et pour tout un guettant. Amen. En nous la prière. Grand maître, t'en prie, mettez force ou nan faiblesse nous. Péché frappé d'eau nous à terre. Nous driver dans la bouffe noire. T'en prie, longe main ba nous, pas quitter nous retater. Nous la prions comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagnez pitié pour nous, grand-mère. Gagnez pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Thank you. Remettre nous adorer ou en abdire merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Quatrième station. Jésus rencontré à maman li. Souffrance petite, c'est douleur maman. Yo deux ensemble si portent même chant. La souffrance utile. C'est yon seul cœur, yon seul dévouement. La souffrance guérit. Tout près quoi Jésus a, maman t'es campé. Jean chapitre 19, verset 25. Maman Marie, aucun béfem devant souffrance petit toi, parce que c'est une femme qui gagne courage. Pourtant, gagne en pile maman qui démissionnait devant difficulté la vie. Il y a un pilote de l'eau pas jambes suspendre couler dans les yeux. Même gens ont gain cœur garder petit toi cap souffri. Bay toute maman qui n'a la peine yo courage. Si y a de l'eau dans les yeux. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non. C'est pour yon reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on en ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonne moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrer nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille. Et li béni Jésus, petite ou feya. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous jodia, à que nous prêts pour nous mourir. Amen. Vive papa, ak petite là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout un temps. Amen. En nous la prière. Jésus, ban nous yon courage même gens ak maman ou. Ou te ban nous maman ou comme maman nous. Aidez nous toujours marcher derrière elle pour nous capables dévouer dans service ou même gens avec lui. Nous la prier ou comme ça ou même qui vivant et qui roi depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous grand-mère. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Tout moi-même c'est pour Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Cinquième station. Simon, un homme pays sirène, aidez Jésus pour te croiser. Dernier chrétien rencontré souffrance. Jésus t'a dit, faut nous porter quoi? La souffrance si nous souffrir, n'a gain récompense. La souffrance guérit. En tant soldat, yo t'a mené Jésus aller. Yo contre Simon, un homme pays sirène. Li te sorti nan jardin. Yo pran monsieur, yo chargé l'en bas quoi pour le pote li derrière Jésus. Luc chapitre 23 verset 26. Sous toute route Jésus sang ou tap coulé. Force ou tap diminué. Ou choisi youn nan mitan nou pou ede ou pote kwa peche nou yo mette sou do. Ou vle fè nou kompran fòk nou youn toujou ede lot. Parol la di, yon sel dwèt pa manje kalalou. Se vre, granmèt. Frè mwen ap soufri. Li longe men li ban mwen. Pa kite mwen méprize l. Ban fòs pou mwen kapab toujou ede yon frèm, yon sèm kap pote chay la vi. Papa nou ki nan siel la, se pou yo respekte nan ou, se pou yo rekonèt se ou ki roi, se pou volonté ou fèt sou tè ya tankou nan siel la. Pè nou bezwen chak jwa, ba nou li jodi ya. Pardonne sa nou fè ou, tan kou nou pardonne moun ki fè nou ki choy, pa kite nou pran nan piyej, men delivre nou ak sa ki mal. Marie, se pou kontan, ou menm ki plen fave, gran mèt la avèk ou. Li beni ou pase tout fi, e li beni Jésus, pitit ou fè ya. Marie ou sè, ou se maman bon Dieu, nou se peche, la priè pou nou jodi ya, ak lè nou prèt pou nou mori. Amen. Vive papa, ak pitit la, ak l'Esprit Saint. Depi nan komansman, ni jodi a, ni tou lè jou, e pou tout an gen tan. Amen. An nou la priè. Jésus grand maître, se ou menm ki te di, kote deux ou trois réuni ou la, nan mitan yo. Tan pri. Ede nou bati ansanm yon gran fami, ki joine racine li nan remen ou lan. Nou la priye ou konsa, ou menm ki vivan e ki roi, depi tout tan e pou tout tan. Amen. Gagnen pitiye pou nou, grand maître. Gagnen pitiye pou nou. Se pou nanm tout moun ki mouri yo repose en paix. Nous mentir. Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Sixième station. Véronique, sillé, figure Jésus. Oui, Jésus sale, oui, ligue ton l'aide. En bas péché, mon défiguré. La souffrance utile. Jésus souffrit pour nous cabrefaire. La souffrance guérit. Mes messages, Jésus pote ban nous. Nous t'étendez au dit. Grenger pour grenger, dent pour dent. Eh bien, moi-même, moi dis-nous, pas résister moun qu'a fait nos méchanceté. Nous t'étendez au dit, c'est pour aimer prochain ou, mais pour raï l'ennemi ou. Eh bien, moi-même, moi dis-nous, c'est pour nous aimer l'ennemi nous yo. C'est pour nous la prier pour moun qu'a persécuté nous yo. Matthieu, chapitre 5, versets 38, 39, 43 et 44. Jésus, ou tellement défiguré, sans couvrir figure, yo méprisé. Mais Véronique, avec yon toile, si et sans sous visage. Jésus, problème la vie a défiguré petit ou yo. Yo pas rencontré aucune Véronique sous chemin yo. Mais nous connaît ou là. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non. C'est pour yo reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fête sous terre, tant qu'on en ciel là. Père, nous besoin chaque jour, pardonne-lui aujourd'hui, pardonne ça nous fait, tant qu'on nous pardonne le monde qui fait nous qui joye, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand-mère là avec vous, li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus. Petite ou feya. Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à clair nous prête pour nous mourir. Amen. Vive papa, ak petite là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout un guetant. Amen. On nous la prière. Jésus, ou t'es créé tout monde pour être avec vous. T'en prie, aide-nous reconnaître tout dans le visage tout monde qui a souffri. Nous la prions comme ça, au même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand-mère. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Amen. Grand-mère, nous adorons ou en abdiou, merci. Parce que tu as accepté mourir sur la croix pour sauver nous. Septième station, Jésus tombé une deuxième fois. Faiblesse la cause tombée dans chemin. Monde qui tombait pas pour être à terre. La souffrance ici. C'est force bon Dieu qu'a fait nous camper. À la souffrance guérie. Yo mené Jésus dans placement Golgotha. Marc chapitre 15 verset 22. Jésus, où tombé une deuxième fois. Malgré quoi péché nous yo tombé sous visage ou continuer à demander pardon pour nous. En pile fois, nous préférons faire un monde l'ennemi passer pour nous pardonner lui. Nous refusons suivre exemple remain au banouyo grand maître. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter nous, c'est pour yo reconnaître c'est où qui roi, c'est pour volonté ou faite sous terre tant qu'on dans ciel là. Père, nous besoin chaque jour, banou li jodia, pardonner ça nous fait tant qu'on nous pardonner monde qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous avec ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand-mère là avec vous. li béni ou passé toute fille et li béni Jésus petite ou fait. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous aujourd'hui à l'heure nous prête pour nous mourir. Amen. Vive papa ak petite là ak l'esprit saint. Depuis le commencement ni aujourd'hui ni tous les jours et pour tout temps. Amen. En nous la prière. Jésus, ou tombé, ou levé. Ça montre volonté ou pour effacer péché nous yo. T'en prie, fais même volonté ça grandit dans fond que nous, pour nous capables pardonner frère nous. Nous la prière ou comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposer en paix. Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Huitième station. Jésus rencontré fille Jérusalem yo. Péché nous yo, la cause gros malheur. Priez pas contre, faut nous corriger. La souffrance utile. Jésus tombé pour nous cablever. La souffrance guérie. En pile foule dans peuple là, t'as suivi lui. Ni fitou qui a frappé l'estomac yo. Qui t'a chanté d'œil sous lit. Jésus rivé côté yo, lui dit, petite fille Jérusalem yo, pas crier sous moi, mais plutôt nous crier sous tête pas nous, ak sous petite nous yo. Parce que, gen jou kap vini, le yap dit, c'est chance pour fille qui pas capable faire petit yo, ak ventre qui pas enfanté yo, ak tété qui pas bail lait yo. Les ça, y a commencé dimon yo tomber sous nous. Luc chapitre 23 verset 27 à 31. Jésus, gardez jusqu'à côté miséricorde ou rivé. Ou apprenons-nous pour nous rentrer dans nous-mêmes. Ou invitez-nous fouiller propre conscience nous. En nous gardez qui quantité de dégâts péché a fait dans la vie nous. En nous suspendre, gardez péché l'autre. En nous examiner propre la vie nous qui fin perdu dans la boue péché a. Grand maître, prends canon. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour y respecter non. C'est pour y reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fait sous terre là tant qu'on dans ciel là. Ben nous besoin chaque jour, ben nous lit jodi a. Pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonne les gens qui font nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus, petite ou feya. Marie, ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous jodia, à que nous prêts pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout un temps. Amen. En nous la prière. Grand maître, c'est au même qui seul espoir nous. T'en prie, fais-nous regretter tout ça nous fait qui mal. Pour nous qu'à joindre miséricorde qui sorti dans fond cœur ou. Nous la prions comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Remet nous adorer ou en abdire, merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Neuvième station. Jésus tombé, yon troisième fois. Jésus tombé, li pas capable encore. La souffrance en vie. On s'amalait, qu'on crasait courage. La souffrance utile. Mais la levée, pas pouvoir, bon Dieu. Si yo fait boivet la subi bagay sa yo, ki sa ka prive boi sec la? Luc, chapitre 23, verset 27 à 31. Grand maître, ou tombe yon troisième fois? Route calvé a difficile pour ou? Ou vle montre nou que nou même tout nous capables de tomber plusieurs fois. Ben nous beau comprendre, grand maître, pour nous pas prendre plaisir critiquer ça yo qui tombé, si là yo qui commet un péché grave. C'est au même qui dit nous, pardonnez, il a pardonné nous. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non, c'est pour yo reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on en ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ben nous lis jodia, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonne moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous, li béni ou passé toute fille. Et li béni Jésus, petite ou feya. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs. La prière pour nous jodia, à clé nous prêts pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout en guettant. Amen. En nous la prière. Jésus, ou tombé, mais ou levé. T'en prie, pas jamais quitter épreuve la vie afin de décourager. Aidez-nous la guéchaille nous sourou. Fais-nous toujours comprendre, c'est ou même qui seul espoir nous. Nous la prière ou comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Let's Grand maître, nous adorons ou en abdire, merci. Merci, vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Dixième station. Yo été rad Jésus sous lit. Yo prend rad li pour yo séparer. Voler comprend tout ça nous gagne. La souffrance utile. Gardez Jésus et n'apprends courage. La souffrance guérit. Les soldats ont fini clouer Jésus sous quoi? Ils ont pris un radlio. Yo fait quatre piles ak yo. Yo séparé yo bay chaque soldat yo youn. Yo prend gros rad sans koutia. Rad qui t'est fait ak yon seul pièce toile depuis en haut jusqu'en bas. Soldat yo youn di lot. Nou pa chi rad sa non. An tire au sort pour konnen pou ki moun la pied. C'est comme ça. Parole qui t'est écrite dans le livre là, rivée vraie. Jean, chapitre 19, versets 23 et 24. Jésus, yo mette ou tout uni pour yo humilier ou, pour yo décourager ou. En pile fois, yo crase moral nous, pour yo wè si yo kap détruit nous. Yo ban nou non nous pas mérité. Yo di nous fait ça nous pas fait. Ban nous persévérance grand maître. Pour nous capable garder tête nous haut devant médisance frère nous yo. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non. C'est pour yo reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fête sous terre, tant qu'on en ciel là. Père, nous besoin chaque jour, pardonne-lui aujourd'hui, pardonne ça nous fait, tant qu'on nous pardonne le monde qui fait nous qui choye, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus. Petite ou feya. Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à que nous prêt pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout en guettant. Amen. En nous la prière. Jésus, t'en prie. Transformer avec lumière vérité ou là, que tout monde qui a vive n'a menti. Nous mandé ou ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout monde qui mourit au reposer en paix. Amen. Thank you. Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Onzième station, vous clouerez Jésus sous quoi? Jésus clouerait à de malfaiteurs. À la honte, à la répiance, à la souffrance utile. Mais c'est tout mal qui clouerait sous croix. À la souffrance guérie. Yobal du vin qui mêlé à clami, mais l'y pas prend. Yo cloué sous quoi? Yo partagé rad li yo. Yo joué zo sou yo. Pour yo connait sa cap prend telle potion ou bien telle potion. C'était 9h du matin. Là où t'es cloué sous quoi? Pancat là côté cause li t'es écria c'était roi juif yo. Ensemble avec li, t'es gain deux bandits, yo t'es cloué sous quoi? Youn à droite, l'autre là à gauche li. Moun ki t'a passé yo, t'a madi chonel. Marc, chapitre 15, versets 23 à 29. Jésus, yo cloué ou sous quoi? Chaque clou qui entre dans main ou, chaque clou qui entre dans pied ou, blessé que nous. Alla en souffrance qui dure. Yo cloué ou peut-être péché nous yo. Grand maître, nous continuer cloué ou chaque fois, nous blessé frais nous. Jésus, t'en prie, changez la vie nous. Papa nous, qui dans le ciel là, c'est pour yo respecter non. C'est pour yo reconnaître c'est où qui roi. C'est pour volonté ou fête sous terre tant qu'ou dans ciel là. Pain nous besoin chaque jour, ba nous li jodia, pardonner ça nous fait tant qu'ou nous pardonner moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrer nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec ou, li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus, petite ou feya. Marie ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à clé nous prêt pour nous mourir. Amen. Vive papa, ak petite là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout en guettant. Amen. En nous la prière. Jésus, ou t'es accepté souffrir pour nous. Fais-nous faveur pour nous pas jamais blesser frère nous yo. Nous la prière comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. Douzième station. Jésus mourit sous quoi? Marie campé que l'a déchiré. L'aubain y a gel tant que l'inan la peine. La souffrance utile. Mais l'y bien femme parce qu'elle en espoir. La souffrance guérie. En nous fait un petit moment en silence. En nous mettant à genoux devant Jésus, petit bon Dieu, qui baille la ville pour nous, sous quoi? Papa, c'est pour pas donner yo pas connaître ça y a fait. Première parole Jésus-Christ sous quoi? C'est pour l'ennemi yo. En vérité, moi dis où? Je dis à même, ou avec moi, dans paradis. Deuxième parole Jésus-Christ sous quoi? C'est pour nous-mêmes pécheurs. Madame, mes petits tout, mes mamans. Libanou maman li, c'est un coup si c'est un jour annonciation nouye. Les l'ange Gabriel vient demander Marie pour le maman Koli qui c'est l'église. Moins soif. Le quatrième parole ça, Jésus dit nous li soif pour nous remel, pour nous remet tout frais nous, malgré tout péché nous yo. Les besoins nous toujours. Bon Dieu moi, pour qui ça ou lagué moi? Papa, nan main ou, moi remettre l'esprit moi. Cinquième et sixième parole Jésus-Christ sous quoi? C'est pour papal. C'est dans papal li mettez confiance li. tout bagay fin accompli. Dernier parole Jésus avant li mouri, c'est pour déclarer li fin accompli tout ça qui nécessaire pour sauver Théa. Jésus, ou mouri sous quoi pour nous cap joindre la vie qui pap jom finian? C'est la vie pas ou là cap toujours triompher. C'est ou même qui dit sac perdu a c'est lui qui gagne. Quoi l'en moi tourner en quoi délivrance? Délivrance pour tout monde qui souffrit, qui mourit avec Jésus. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non. C'est pour yo reconnaître c'est ou qui roi. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ben nous li jodi a, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrer nous à ça qui mal. Marie, c'est pour content ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille et li béni Jésus petit ou feya. Marie ou c'est maman bon Dieu. Nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à que nous prêt pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout un guettant. Amen. En nous la prière. Pardonnez au papa, yo pas compte ça y a fait. T'en prie, grand maître. Aidez-nous pardonner tout le monde qui a fait nous souffrir. Aidez-nous laguer tout le monde nous qu'embé dans cœur. Fait que c'est toujours bien qui triomphe dans la vie nous. Nous la prions comme ça, ou même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagnez pitié pour nous, grand maître. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Chaque fois on touye Théa, c'est Jésus nous touye. Pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois on touye Koa, c'est Jésus nous touye. Pardon, pardon, mon Dieu. Gethsémani, mais yo touye Jésus. Gethsémani, yo sa sinè. Mande bon Dieu pardon, pardon, pardon, mon Dieu. En nous mande bon Dieu pardon, pardon, pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois on touye la vie, c'est Jésus nous touye. Pardon, pardon, chaque fois nous y remet, c'est Jésus nous touye. Pardon, grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. 13e station, yo détaché Jésus sous quoi et yo remettre li bay maman li. Non que Jésus sans aglo couler, la souffrance en vie. Non que Marie la peine augmentée. Non que chrétien, la vie commençait à la souffrance guérie. Juif yo même, comme c'était préparation, pourquoi yo pas traité sous quoi jou sabbat? C'est que jou sabbat, c'était un gros jou. Yo mandé Pilate pour yo craser Jean moun yo. Pour yo ou ete yo. Soldat yo vini, yo krasé jambe premier a, ni l'autre la tout, sa yo te cloué sous quoi avec Jésus a. Le yo rive sous Jésus, yo el déjà mouri, yo pas krasé jambe li. Mais yon nan soldat yo pèse kote li avec yon piquette. Même le a, sans. Ak blo koule. Après ça, Joseph, yon moun Arimati vin rive. Li mande Pilate pou loue te ko Jésus. Pilate ba li autorisation. Kon sa, li vini, li loue te ko Jésus. Jean, chapitre 19, verset 31 à 34, plus 38. Marie, ou ban nou seul graine petit oua qui baille tête li pour le sauver nous. En nous fait mes yeux nous. En nous imaginer souffrance yo maman, yo remettre cadavre petit li. Seul yo maman qui perd du petit li capable comprendre douleur. Qui a traversé Zantra et Marie. Papa nous, qui dans ciel là, c'est pour yo respecter non, c'est pour yo reconnaître c'est où qui roi, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Père, nous besoin chaque jour, ben nous li jodia, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre en piège. Marie, c'est pour content, ou même qui plein faveur, grand maître là avec vous. Li béni ou passé toute fille, et li béni Jésus, petite ou feya. Marie, ou saint, ou c'est maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, la prière pour nous jodia, à clair nous prête pour nous mourir. Amen. Vive papa, à petite là, ak l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni jodia, ni tous les jours, et pour tout en guettant. Amen. On nous la priait. Marie, malgré toute souffrance, la foi aurait été ferme. fait toute famille nous yo héritier qu'aucun courage ça pour nous capable supporter tout gros malais sans nous pas perdu la foi. Nous la prions comme ça, au même qui vivant et qui roi, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Gagne pitié pour nous, grand maître. Gagne pitié pour nous. C'est pour nous tout le monde qui mourit au reposé en paix. Grand maître, nous adorons ou en abdiou, merci. Parce que vous avez accepté de mourir sur la croix pour sauver nous. 14e station, vous mettez Jésus dans le caveau. Jésus souffrit, mourit enterré. Mais la pleuvée pour lever tête nous. La souffrance utile. La fin n'allait dans la vie sans fin. À la souffrance guérie. Nicodème tout vini. Ça te vini côté Jésus dans nuit là. L'hypothé on mélange l'ossion, l'a mis avec aloès à peu près 100 litres. Yo prend encore Jésus, yo maré la bande toile ensemble avec l'ossion yo, selon habitude juif yo qu'on en tire à. Côté où te cloué le sous quoi, te gagnon jardin. Dans jardin, te gagnon caveau tout neuf. Yo pas de commetté personne là-dedans. C'est là. Je t'ai metté Jésus. Jean, chapitre 19, verset 39 à 42. Monde qui remet la ville, la paix d'huile. Monde qui baille la ville pour Christ là, la joigne la vie qui pape Jean finiant. Ou montrez-nous Jésus, chemin la victoire pas facile. Souffrance yon chrétien, pas pour tout temps. Délivrance là, c'est pour si là qui rete ferme jusqu'à la fin. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour yon respecter nous,

Dieu grand maître là avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. C'est pourquoi Jésus-Christ a couvri nous en bas l'ombrage lit. C'est pourquoi délivrance l'a sauvé nous. C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, ak petite lac l'Esprit Saint. Bénis-nous bien, bénis. Suivez-vous, qu'elle me souplait.